Voici votre bulletin régional. En avril, à la galerie Le Harfang de Whedon, on présente les œuvres de l'artiste peintre Chantal Julien. Une visite à la cabane à sucre est organisée pour les membres du club FADOC Les Montagnards de Dodswell le 1er avril. Information auprès de Gaétan ou Marcel. Dans le cadre des cliniques Impo offertes gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, les citoyens de Bury sont invités à venir porter leurs documents le 1er avril, de 9 à 11 heures, au Pope Memorial School, 523 Stoke Street, document qu'ils récupéreront le 8 suivant. Activité de scrapbooking le 1er avril à la place Auckland de Saint-Isidore de Clifton, de 13 à 15h30, 5$ par personne. Inscription au 819-875-5643, poste 5820. L'atelier Femmes vers le haut se tiendra à Newport le 1er avril à 18h30. On appelle Mylène Vincent, accompagnatrice de milieu, au 819-570-1134 pour confirmer sa présence et connaître le lieu de la rencontre. Deuxième et dernière clinique impôt offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à La Patrie le 2 avril de 9h à midi à l'hôtel de ville de La Patrie 18 Chartier. La FEAS et la Tourlaine invitent toute la population le 7 avril à 8h30 pour un déjeuner brunch en l'honneur de la Journée nationale du travail invisible. Ça se déroule à la salle des Chevaliers de Colomb de Hastings. On doit réserver au 832-2656 avant le 2 avril.